Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Épisode 2. Le coloriage. Les agences matrimoniales sont bêtes. Elles cherchent la logique là où tout est silence. Combien de couples se séparent parce que ce petit geste, cette façon de tenir le crayon, de reposer la salière ? Dorénavant, c'en est fini de ces malentendus. Vous lui tendez une carte de l'océan Atlantique et vous lui dites de colorier. Il dispose d'une heure en tout et pour tout. Une heure de coloriage. Aujourd'hui, maintenant, à 34, à 45, à 17, à 63 ans. Bon, et donc vous n'avez pas coché le grand brun, j'étais persuadée que vous cocheriez le grand brun. Comme quoi, j'ai beau avoir de l'expérience dans le métier, je peux encore me tromper. Pourquoi ça n'a pas collé d'ailleurs? Alors, le grand brun, il a commencé à colorier le pourtour de la France. Bon, pas aventurier pour deux sous. Son stylo s'est posé le long de la Vendée, il est redescendu jusqu'à Biarritz et il a continué petit à petit. Aux Açores, il a suspendu son geste, puis il est revenu vers la France. Cette fois, il s'est mis à la Méditerranée, comme si son crayon ne pouvait pas partir ailleurs. 10 minutes étaient déjà passées qu'il n'était pas allé plus loin que mes dernières vacances. J'ai tout de suite su que ça collerait pas. Bon. Et donc, vous êtes passé au Blondinet. Il a du succès, le Blondinet. Beau gosse, comme on dit. Oui, beau gosse. Bien, très bien. Je suis allée regarder ce qu'il faisait. Il était là, il fumait une clope d'un geste large, l'air satisfait. Il me regardait, désinvolte, l'air de dire « ça y est, j'ai fini ». L'air de dire « j'ai gagné du temps, c'est bon, à nous deux maintenant ». C'est bien ça. J'ai regardé sa feuille, il avait fait une grande croix. Tout en bas, une légende. La croix dans le petit carré de la légende disait « bleu ». Et ça... ça m'a bien plu. Au début, ça m'a bien plu. Ah, ben c'est bien ça, si ça vous a bien plu. Oui, mais en même temps, ça m'a déçue. Oh. Pourtant, on a discuté un peu. Ah, vous avez discuté. Il y avait quand même un petit quelque chose, alors. Oui, on a discuté. Je me laissais entraîner dans sa désinvolture. Mais je jetais un coup d'œil à sa grande carte blanche et je me disais, quand même, une belle mer bleue. Je me disais... on ne navigue pas sur un concept. L'art contemporain, pourquoi pas, mais va mettre un bateau sur une hachure. Je me disais, tu crois que parce que t'as écrit bleu, c'est bleu? C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Bon, en tout cas, le bleu qui pourrait m'emporter, c'est pas ce bleu de pacotille. Bon, mais pas la peine de me faire une tirade de 2 kilomètres. On oublie le Blondinet, si je comprends bien. Oui, on oublie le Blondinet. Bon. Alors, laissez-moi voir ce qui reste... Vous êtes un peu emmerdante, si je puis me permettre, quand même. Je pensais en finir avec vous vite. Vous êtes mignonne, mais je vois que... Bon, c'est votre droit. On continue. Donc, qu'est-ce que j'ai encore dans mes fiches? Ah, oui, le monsieur bon chic bon genre, vous savez? Celui avec la chemise blanche. Non. Surtout pas, quelle horreur. Non, il faisait des grands gestes, gauche-droite, pour aller le plus vite possible. Gauche-droite, j'en avais le mal de mer. Non, je lui ai dit, non mais t'as tout ton temps, mon ami. Mais lui, chaud devant, après moi le déluge, on m'a dit de colorier l'Atlantique, je colorie l'Atlantique. Efficace, d'une efficacité qui ne sait plus le pourquoi du comment. Mais c'est pas mal tout de même, l'efficacité, non? C'est bien, ça veut dire qu'on sait ce qu'on veut. Non. Parce qu'il a d'abord colorié un tout petit bout du détroit de Magellan, comme ça, bien fait. Mais le reste, un chantier. Un petit coup de crayon par-ci, et puis, bouf, je me décourage. Et hop, je retourne au détroit de Magellan, et je remonte jusque je ne sais où dans l'Arctique. Bon, c'est vous qui voyez, ce n'est pas à moi de dire. Et comment il s'appelle déjà, avec les cheveux frisés? Lui, il a fait tout le tour d'abord. Tout le tour le long des côtes, méticuleusement. Une sorte de cabotage. Pour pas déborder, il coloriait le tour doucement. Ensuite, il lui restait plus qu'à remplir. Alors, bien sûr, on voit d'abord la prudence. Il protège ses arrières, ses avants, ses côtés, tout. Mais c'est vrai, ça m'a bien plu, le coup des contours. Ah, ça vous a bien plu, le coup des contours. Bien, très bien, ça. Il avait commencé par l'Afrique Et, je sais pas, voir la côte de la Guinée-Bissau, dont je savais même pas à l'époque qu'elle s'appelait Guinée-Bissau d'ailleurs. Oui, ça m'a plu. Ah oui, hein, c'est bien, j'étais sûre. Non, j'ai pas dit que c'était oui. Non, oui, enfin, ça m'a plu le coup des côtes, mais non, pas du tout. Bon, j'imagine qu'on élimine celui avec les lunettes. Oh, on élimine direct. Il m'a dit, je suis graphiste, je te scanne la carte, je te fais un coup de Photoshop, remplissage bleu, et c'est bon. Pff, non, alors vraiment... Je sais plus quoi vous dire, moi, mademoiselle. Non, mais attendez. Ensuite, il m'a dit, je vais te le choisir, ton bleu. Et il m'a montré sur son portable tous les dégradés possibles. Et on peut pas croire que le monde existe seulement dans ces couleurs-là. Brillante et terne à la fois, toute lisse sur l'écran et bête. Alors que le bleu... Quand on connaît le bleu de Prusse, et le bleu outre-mer, et le bleu de cobalt, et le bleu roi... On va pas se mettre à parler non des couleurs et des bleus et des jaunes et des rouges, hein, mademoiselle. Il y a 12 personnes qui attendent dehors, alors vous comprendrez que je n'ai pas que ça à faire. Parler du bleu des Russes et je ne sais quoi, alors. J'ai du travail. Alors maintenant, vous me dites s'il en reste un ou non qui vous a plu, et puis on est courte, parce qu'on va pas y passer la journée. Oui. Il y a celui qui a pas fini. Avec son stylo, il faisait des petits points, des petites hachures. Bien sûr, ça allait pas bien vite, ça allait bien lentement même. Et c'est ça qui me plaisait, ça allait bien lentement. Des petites vagues, là-bas, tout là-bas, le long du golfe qui s'étend entre l'Inde et l'Indonésie. Des noms de pays où se baignait Irian Jaya. Des voyelles liquides. Puis... un crayon, un peu de poudre de crayon avec le doigt, il a étalé. On aurait dit une mer calme, une légère houle. Bien sûr, c'était long. Mais les peintres des Mapmondes, ils ont bien dû la colorier, la mer. Ils ont imaginé toutes ces vagues. Les pointues, les rondes, les moins rondes, les régulières, les déferlantes. Ils ont eu cette patience. Ils ont eu ces heures de silence. Ils ont su y faire avec les attentes. Pensando. Agence matrimoniale de Laetitia Bianchi. Cada hora. Avec Christiane Coendi, Maëlia Gentil et la voix de Marlène Goulard. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laure Egoroff.